La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Tout à l'heure. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. C'est probablement l'un de vos souvenirs les plus marquants, celui de vos longues heures passées assis dans les salles de classe avec sur le mur le tableau périodique des éléments, également appelé tableau de Mendeleïev du nom de son inventeur, Dmitri Mendeleïev, star mondial de la chimie du 19e siècle. Eh bien, figurez-vous que ce tableau fête cette année ses 150 ans et que l'UNESCO a décrété 2019 comme l'année internationale justement de ce tableau. C'est l'occasion cet après-midi dans la tête au carré de nous replonger dans cette classification des éléments chimiques ordonné par numéro atomique pour comprendre son organisation et son apport. Et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages, vos questions et peut-être même vos souvenirs sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse, on parle de cuisine et de nutrition. Oui, alors plus précisément, on va parler de ce que l'on mange souvent, qu'on n'a pas tellement envie de la faire, justement la cuisine. Mmh. On va évoquer ce que l'on appelle les aliments ultra transformés et les effets qu'ils ont sur notre santé. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons le rendez-vous Science Grand Format de France 5, consacré aujourd'hui à un documentaire sur le pouvoir des prêtresses égyptiennes. Fanny Boyon réalise cette tête au carré, préparée par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, le tableau périodique des éléments chimiques fête ses 150 ans. Dossier dans un instant de la tête au carré avec mes invités que je salue. Pierre Avenas, ingénieur des mines, et François-Xavier Coudert, chercheur au CNRS. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue François-Xavier Coudert. Est-ce que c'est ce tableau de Mendeleïev qui vous a donné envie de faire de la chimie lorsque vous étiez jeune écolier ? Alors, c'est pas le tableau lui-même, c'est vraiment, mais de jouer avec les différents éléments et dès le lycée, de voir qu'ils avaient des couleurs différentes, des propriétés différentes, je trouvais ça assez magique. Ouais, donc ça vous a quand même beaucoup inspiré, c'est ça ? Ouais. Ouais, et après de pouvoir les voir dans un tableau, de voir qu'il y avait un ordre, une logique, ouais. C'était assez curieux. Est-ce qu'ils vous servent toujours autant aujourd'hui dans votre travail de chimiste ? Ah, on l'utilise au quotidien, ouais. Oui, il est dans mon bureau et on s'y réfère, c'est nos gammes. Ouais. Ouais. Absolument. Pierre Avenas, quel souvenir vous gardez en particulier de ce tableau ? Oui, alors c'est peut-être beaucoup de noms qui semblent assez mystérieux. Alors comme je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des noms depuis quelques années, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de creuser un certain nombre de cas qu'on va avoir sans doute prochainement. Donc vous, c'est l'étymologie finalement qui vous a intéressé ? C'est l'étymologie, oui. Abordé déjà dans d'autres domaines, mais ici, l'étymologie du nom des éléments. Éléments au sens large, d'ailleurs, parce ouais. qu'il y a les éléments du tableau, mais les acides aminés, c'est des éléments des protéines, qui sont des éléments des êtres vivants. Ouais. Donc, éléments... au sens très large, effectivement. Dans ouais. tous les sens du terme. Alors, on va s'intéresser évidemment à ce qui concerne ce tableau, avec cet ouvrage que vous avez publié, La prodigieuse histoire du nom des éléments chez EDP Science. François-Xavier Coudert, 150 ans justement après sa création, ce tableau reste toujours aussi moderne donc, et d'actualité, a priori ? Ah ben, à moins qu'on réinvente les lois de la mécanique quantique qui régissent le comportement des électrons autour des noyaux, le tableau périodique gardera sa forme actuelle ou d'autres formes, mais en tout cas la structure qu'il sous-tend, elle, ne va pas changer. Ouais, mais il reste toujours ouvert quand même à de nouveaux arrivants, c'est ça qui fait aussi son intérêt ? Alors, il reste toujours ouvert, on a découvert il y a quelques années des éléments supplémentaires et on en découvrira sûrement encore. Ouais, on va donc en discuter ensemble dans un instant et puis on va voyager avec ce tableau justement, puisque c'est un petit peu, c'est ce que vous racontez Pierre Avenas, toute l'histoire de l'humanité hein, qui se raconte avec ce tableau de Mendeleïev. Des éléments nouveaux peut-être, mais qui durent de moins en moins longtemps quand même. Oui, on verra pourquoi. Des fractions et des fractions de microsecondes oui, parfois. Ils sont difficiles à observer. Difficiles à observer et à capturer. Et on n'en trouve pas beaucoup. Oui. Donc, il y a un vrai pari à faire là. Et justement, l'établissement définitif de ces noms et de ce statut d'élément donne lieu à pas mal de discussions entre les chercheurs. On va en parler avec vous dans un instant et puis bien sûr vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Vous venez vous rafraîchir chez Nesfiel avec les irrésistibles glaces Ultimate en version cookie et peanut butter ou choco brownie. Nesfiel, c'est bon à s'en lécher les doigts. Les nuggets de Slanon sont de délicieux beignets de poulet croustillants et bien dorés. Trempez-le généreusement dans la sauce que vous aurez préalablement choisie. Barbecue, chinoise, miel ou moutarde. Oh, c'est bon. Chicken McNuggets, l'appétit vient d'Oreo. Voilà, un petit medley de publicités qui donneront faim aux amateurs de fast-food, peut-être un petit peu moins aux autres. Et à la une de la science aujourd'hui, Héloïse, on parle de la dangerosité des produits alimentaires ultra transformés. Oui Mathieu, ces produits qui ont subi d'importants processus de transformation industrielle ne sont pas bons pour notre santé. Dit comme ça, ça ne ressemble pas vraiment à un scoop. Mais aujourd'hui, on va parler de leurs dégâts sur notre mortalité qui sont rapportés dans une étude qui vient de paraître dans la revue JAMA. Nous sommes avec un des co-auteurs de l'étude, le docteur Bernard Sroure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, vous travaillez dans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM et de l'Université Paris 13. Alors, on parle de quoi exactement? C'est quoi ces aliments ultra transformés? Parce qu'on pense aux plats industriels, mais ce n'est pas que ça. Tout d'abord, merci. En effet, les aliments ultra transformés, ce n'est pas que les plats. Donc, cette nomenclature, elle est basée sur la classification NOVA, qui est une classification qui a été créée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo au Brésil, donc qui classifie les aliments et les boissons en quatre catégories en fonction de leur degré de transformation. Donc tout d'abord, vous allez avoir la catégorie Nova 1. Dans cette catégorie, on va avoir les produits dans l'état dans lequel on les retrouve dans la nature. Après de simples procédés de transformation, comme par exemple, on pourrait enlever la partie non comestible, on pourrait cuire à l'eau, donc vraiment des simples procédés. Dans la deuxième catégorie Nova 2, on va avoir les ingrédients culinaires. Dans cette catégorie, on va avoir tous les ingrédients qui vont nous aider à préparer la cuisine, mais sans pour autant être consommés tout seuls, en particulier le sel, le sucre, l'huile. Dans le groupe 3 Nova, on va avoir les aliments transformés, mais pas ultra transformés. Donc là, ça va être clairement des recettes qu'on pourrait obtenir dans notre cuisine en mélangeant des aliments du groupe 1 avec des ingrédients du groupe 2. Donc ça peut être des recettes de la plus simple à la plus compliquée, un ragoût, une soupe maison. Et dans le groupe 4, donc c'est le groupe qui nous intéresse surtout, c'est le groupe des aliments ultra transformés. Et là-dedans, on va avoir en plus peut-être des aliments des trois premiers groupes, on va avoir des additifs alimentaires, on va avoir des ingrédients qu'on ne retrouve pas couramment dans la cuisine. On va avoir des additifs, on va avoir des émulsifiants, on peut avoir des colorants. Donc, En pratique, c'est quoi ? En pratique, c'est une large catégorie, mais on pourrait citer comme exemple les soupes déshydratées, les nuggets de poulet ou de poisson, les céréales de petits déjeuners, les barres chocolatées, même les boissons édulcorées ou les boissons sucrées industrielles. Ouais, il suffit de lire les étiquettes pour voir qu'on en a énormément autour de nous, finalement, dans nos placards. Oui, en effet, quand l'étiquette fait 15 lignes, c'est de l'ultra transformé. Voilà. Et donc, vous êtes intéressé aux effets de la consommation de ces produits sur la santé et la mortalité. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait. Exactement. Pour le moment, on s'intéresse donc aux associations plutôt qu'à l'effet, pour le moment, de ces aliments ultra transformés sur la survenue des maladies chroniques et sur la mortalité. Donc, l'étude que nous avons publiée lundi dans le JAMA se base sur les données de l'étude Nutrinet Santé. Donc, Nutrinet Santé, c'est une étude sur la nutrition et la santé qui est basée sur le volontariat. C'est une étude en ligne, donc il suffit à n'importe qui de se connecter sur le site Études Nutrinet Santé pour pouvoir participer à cette étude et aider la recherche. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte les données de ces participants, que ce soit les données des enquêtes alimentaires, leurs états de santé, des informations sociodémographiques sur leur mode de vie, s'ils fument, s'ils fument pas, leur consommation d'alcool, leur activité physique. Et après, on étudie des corrélations ou des associations entre leur consommation alimentaire et leur état de santé, donc ici en particulier la mortalité. Donc, et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez observé si on parle de ces aliments ultra transformés ? Au sein de cette étude-là, on a observé qu'une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés dans le régime, donc par exemple si on consomme 1 kg d'aliments par jour, la proportion d'aliments ultra transformés, donc ça va être la masse ou la quantité d'aliments ultra transformés sur ce 1 kg là. On observe que l'augmentation de 10% de la proportion de ces aliments ultra transformés était associée à une augmentation de 14% du risque de mortalité chez des adultes âgés de 45 ans et plus. Et ils meurent de quoi ces personnes ? Oui, c'est ça, oui, ça veut dire quoi effectivement ? Nous, ce que nous avons observé, c'est que c'était surtout de la mortalité liée au cancer et aux maladies cardiovasculaires. En effet, il peut y avoir plusieurs mécanismes qui pourraient expliquer ces associations-là. Mais avant de parler des mécanismes, comment on est sûr que c'est ce facteur-là précisément qui joue et non pas, comme vous l'avez évoqué, la consommation de tabac, le sport ou des raisons socio-économiques tout simplement? Alors vous avez tout à fait raison et c'est un problème qui nous est remonté souvent. Nous, ce qu'on fait dans nos modèles statistiques, c'est qu'on procède à une technique qui s'appelle l'ajustement. Et quand on ajuste sur un facteur, nous, on va ajuster sur les facteurs de mode de vie qu'on appelle les facteurs de confusion. Donc, par exemple, on va ajuster sur la consommation d'alcool, on va ajuster sur l'activité physique, sur le revenu, sur le niveau d'éducation. Et comme ça, on est sûr que les associations qu'on observe ne sont pas dues à un biais de confusion qui est lié, par exemple, au fait que les gens les plus aisés vont consommer moins d'aliments ultra transformés, vont avoir plus de maladies chroniques ou vont moins fumer, donc vont avoir moins de maladies. Et comme vous le disiez, il faut le rappeler, on reste dans un lien de corrélation, donc c'est oui. Une association de d'éléments. On n'a pas encore de la preuve de la causalité. Exactement. De ce produit. Expliquez-nous un peu la ça. La nuance, oui, c'est quoi? Pour le moment, nous, ce qu'on observe, c'est des corrélations, c'est des associations statistiques. Mm-hmm. Pour établir un lien de causalité en épidémiologie, le gold standard à faire, la démarche classique à faire, c'est de faire un essai clinique. Et c'est compliqué, là. C'est compliqué de faire des essais cliniques, en particulier en nutrition. Oui. Et surtout quand on a des hypothèses délétères suspectées pour certains aliments. Parce que concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait donner des plats ultra transformés à une population pendant un temps donné, ce qui, évidemment, éthiquement, n'est pas possible. Voilà. Donc, pour ce faire, pour établir ou pour aller en faveur de la causalité, même si avec une seule étude isolée, nous ne pouvons pas le faire, il faut donc se baser sur plusieurs études d'observation et répliquer les résultats sur plusieurs cohortes dans plusieurs pays, et après confirmer les mécanismes dans des modèles in vitro, dans des modèles animaux, pour essayer de comprendre et... Même si on n'a pas la preuve absolue, il y a quand même des hypothèses pour expliquer ces effets. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est? D'accord. Nous, on s'est posé autour d'une table et on a dit qu'est-ce qui pourrait finalement être responsable de ces associations-là. Donc, on a pu dégager 4 hypothèses. La première, ce serait l'aspect nutritionnel de ces aliments ultra transformés. Donc on remarque que sur le marché, en moyenne, ces aliments sont de moins bonne qualité nutritionnelle. Ils sont en moyenne moins riches en vitamines et fibres, et ils sont plus riches en sel, sucre et acides gras saturés. Donc ces associations pourraient passer par ces aspects-là, sauf que nous, dans nos modèles, on a essayé de contrôler sur ces aspects nutritionnels. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les associations qu'on observe ne passeraient pas entièrement par l'aspect nutritionnel. Donc il y a 3 autres hypothèses qu'on peut évoquer. La première, c'est les additifs alimentaires. Donc comme on a vu dans ces aliments ultra transformés, on peut avoir la présence de plusieurs additifs alimentaires, comme par exemple le dioxyde de titane, les nitrites, voilà. Et certains de ces additifs-là pourraient avoir des effets sur la santé qui sont soit prouvés dans des modèles animaux, et même il commence à y avoir un petit corps d'évidence dans les études populationnelles. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, ça va être ce qu'on appelle les contaminants néoformés ou les composés néoformés. Donc c'est des produits qui sont pas censés être là au début de la recette et qu'on retrouve dans le produit fini, mais qu'on retrouve par exemple à cause du chauffage à haute température des glucides, des protéines comme l'acrylamide, l'acroléine, qui pourraient avoir donc des effets sur la santé, en particulier l'acrylamide qu'on obtient après chauffage à haute température des glucides et des protéines a été classé comme probablement cancérogène par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et le dernier, ça va être les matériaux d'emballage, parce qu'on sait qu'il y a par exemple des substances dans ces matériaux d'emballage qui risqueraient de migrer vers les aliments, en particulier le bisphénol A, qui pourrait avoir des rôles de perturbation endocrinien et causer des cancers liés aux hormones. Merci beaucoup en tout cas, docteur Bernard Sroure, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM et de l'Université Paris 13. Merci à vous. Merci. Et Héloïse, on se retrouve demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois depuis plus d'un siècle, une panthère noire a pu être photographiée en Afrique. Le cliché a été pris au Kenya grâce aux chercheurs du zoo de San Diego qui étudiaient les léopards dans la réserve Lwasba Wildlife et du travail également d'un photographe indépendant. 8 appareils pièges munis de capteurs de mouvement avaient été mis en place dans la réserve en février dernier. Leurs images d'une femelle panthère noire sont la première confirmation de la présence de l'animal en Afrique depuis 1909. Opportunity, c'est fini. La NASA a officiellement annoncé que son rover mythique qui explorait Mars depuis 2004 avait rendu l'âme. C'est une des missions les plus fructueuses de l'histoire de l'exploration du système solaire qui se termine. Opportunity avait entre autres confirmé que Mars avait déjà eu de l'eau liquide à sa surface. L'heure était donc à l'émotion hier du côté de la NASA. Même si c'est une machine, eh bien c'est difficile de dire adieu. C'est poignant, a déclaré le chef du programme John Callas. Le contact avait été perdu avec le robot en juin dernier et les messages que lui avait envoyé la NASA depuis étaient toujours resté sans réponse. Et puis des scientifiques américains de l'université du Maryland ont mis au point une fibre textile qui pourrait nous permettre de faire face aux caprices de la météo. Leur tissu a en effet la capacité de changer automatiquement ses propriétés pour piéger ou libérer de la chaleur en fonction des changements de température. Dans leurs travaux publiés dans le magazine Science, les chercheurs expliquent que le matériau est constitué de fibres enduites de nanotubes de carbone, ce qui rend les mailles de la fibre capables de se contracter ou se lidater et donc de retenir ou de laisser la chaleur s'échapper. Allez, le tableau périodique des éléments, dossier de la tête au carré dans un instant. Cousin, va prendre cousin là, cousin. Cousin, va prendre cousin là, cousin, va partir sous manga. Cousin wa banti ma chojumbo, cousin wa banti ma chomelton, cousin pa prend cousino, cousin, cousino, cousino. Cousin, c'était la voix de Mélissa Lavaux. La tête au carré sur France Inter. Dès le XVIIIe siècle, on a essayé de classer les différents corps chimiques en familles. Par exemple, la famille des halogènes, fluor, chlore, brome et iode. Mais on n'avait aucun moyen pour classer les familles entre elles. C'est ici qu'intervient une des vues les plus pénétrantes. Je veux parler du chimiste russe Mendeleïev. Mendeleïev eut l'idée de lier les deux notions de poids atomique et de famille d'éléments. Mendeleïev commença à écrire les éléments chimiques dans l'ordre linéaire des poids atomiques croissants. La liste commençait par l'hydrogène, dont le poids atomique est le plus petit de tous, mais Mendeleïev transforma la liste en tableau en écrivant dans des lignes verticales les éléments d'une même famille chimique. Le sodium, par exemple, était placé sous le lithium. Ainsi, à côté des familles verticales, se développaient des périodes horizontales. Et c'était donc la voix du philosophe des sciences Gaston Bachelard en 1948 pour évoquer évidemment cette année déclarée par l'UNESCO année internationale du tableau périodique des éléments chimiques à l'occasion donc du 150e anniversaire de ce tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire l'importance de cette classification des éléments chimiques. Et pour en parler donc mes invités, François-Xavier Couder, chercheur CNRS en chimie théorique à l'Institut de recherche de chimie de Paris, et Pierre Avenas, ingénieur des mines. Vous avez dirigé le centre des mises en forme des matériaux à Sophia Antipolis. Et vous êtes donc l'auteur d'un livre, La prodigieuse histoire du nom des éléments, aux éditions EDPC. J'allais vous dire, ben finalement, voilà, Gaston Bachelard a tout dit, on peut même arrêter l'émission maintenant. Vous n'aviez pas l'air d'accord, Pierre Avenas, de ce que vous entendiez, mais pourquoi alors ? Pas d'accord, c'est beaucoup dire, mais... C'est en 1948, hein ? Oui, bien sûr, donc on a beaucoup... D'indulgence. ...étudié l'histoire des sciences depuis. Oui. Non, Mendeleïev a vraiment été un génie dans le côté prédictif de son tableau. Oui. Il est le premier à avoir compris que là où le tableau comportait des trous, il devait y avoir un élément, on allait le découvrir. Il est même allé jusqu'à lui donner un nom provisoire. C'est très spectaculaire, on va prendre juste un exemple, c'est entre l'aluminium que tout le monde connaît, l'indium un peu moins connu, quoi qu'il y en a dans les écrans plats, il y avait un trou. Eh bien, il s'est dit, dans ce trou, c'est-à-dire une case vide de son tableau. Oui, oui. Parce qu'il n'avait que 63 éléments à l'époque, hein, sur les 92 naturels. Donc, il a appelé éca-aluminium, un futur élément qu'on devrait trouver. Éca, en sanskrit, ça veut dire 1. Donc, éca-aluminium, c'est aluminium plus 1. Voilà. Et donc il avait vu juste. Et il a vu juste parce que en 1875, Monsieur Lecoq de Boisbaudran a effectivement trouvé le gallium, qui trouvait exactement sa place, avec même des propriétés assez voisines de ce qu'avait prévu Mendeleïev. Ça, c'est absolument génial. Par contre, d'autres avant lui avaient fait des tableaux, avaient quand même combiné. C'était assez naturel en fait de classer les éléments par masse croissante. Bien sûr, on n'avait pas le numéro atomique, on connaissait pas les électrons, mais par masse croissante. Alors notamment un ingénieur des mines, figurez-vous, qui s'appelle Champcourtois, qui quand même 7 ans avant, donc en 1862, a créé ce qu'on appelle la vis tellurique, qu'on peut voir encore aujourd'hui à l'école des mines. C'est assez passionnant à regarder. Champcourtois a pris un cylindre et il a tracé une hélice sur ce cylindre et il a placé tous les éléments en masse croissante et s'est débrouillé pour que, en prenant un exemple, le sodium et le potassium soient l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et donc, toutes les alcalins étaient là, préparés. Et du coup, comme on vient de le dire, le chlore, le fluor, l'iode se trouvaient aussi sur une génératrice. Et si on déroule ce cylindre, on a un tableau. Hein. Oui, voilà. Mais pourquoi il n'a pas été rendu aussi célèbre que celui de Mendeleïev alors ? C'est difficile à dire. Moi, je pense que l'aspect prédictif a joué justement ce rôle énorme, hein, parce que c'est extraordinaire quand même de comme on dit, les prévisions sont quand même d'un niveau de sophistication plus élevé que la simple description du présent. Quoi. François-Xavier Couder, c'est quand même toujours agréable d'entendre la voix de Gaston Bachelard, hein, philosophe des sciences avec son accent inimitable. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qu'on a entendu là par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui évidemment de ce tableau ? Et puis quand même, on va évidemment dire à quoi il correspond pour ceux qui ne sont pas forcément des as en chimie, et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Alors d'abord sur Mendeleïev lui-même et son apport. L'apport de Mendeleïev, c'est vraiment qu'il arrive à un moment où on a des tentatives d'organisation, on a les premiers systèmes d'organisation, la vis tellurique, il y a d'autres systèmes de triades, de tétrades, les chimistes cherchent à organiser les éléments. Oui, c'est ça, c'est les éléments ils connaissent, chimiques. On a découvert les éléments chimiques, à l'époque on les définit pas par leur nature atomique, les électrons, les protons, à l'époque on les définit en disant c'est un corps chimique que je peux pas décomposer, et qui a des propriétés données. Donc on en connaît une soixantaine. Au cours du siècle précédent et des 50 années avant, on en a découvert beaucoup. Et donc on commence à voir des tendances se dégager. On essaye de les organiser. Mendeleïev, il utilise ça, il est dans cette vague-là, et il commence à avoir, publié par d'autres et trouvé par d'autres, des masses précises. La précision sur la mesure des masses augmente aussi. C'est ça qui va permettre quelque part, d'améliorer. Parce qu'on a les outils pour le faire aussi. Hein. Parce qu'on a les outils pour le faire, parce qu'on arrive à produire, à séparer certains éléments en plus grande quantité que ce qu'on pouvait faire auparavant. Mmh. Et donc, il va classer sur les masses. Et il va avoir finalement deux coups de génie. Le premier, c'est la prédiction. Si à un endroit, j'ai l'impression qu'il manque un élément, c'est pas grave, parce que comme on en découvre régulièrement, ben il en manque peut-être. C'est ce que vient d'évoquer Pierre Avenas. Ouais. Voilà. Et il va également, à certains endroits, dire que si dans les propriétés des éléments, quand on regarde le tableau, finalement, ça colle pas avec ce qu'on attendrait, parfois, il va faire des inversions. Il va pas les classer par masse. Et ça, aujourd'hui, avec notre compréhension du noyau, des protons, des neutrons, on sait pourquoi. Mais à l'époque, on n'a aucune idée de pourquoi. Mais lui va se dire, quelque part, c'est l'aspect chimique, la propriété de l'élément qui prime sur ce côté de masse. Et ça, ça fait marcher le tableau périodique sous sa forme telle qu'elle est par la Mendeleev. Est-ce qu'il a eu du succès tout de suite, d'ailleurs, ce tableau, à l'époque où il le propose? Est-ce qu'il s'est beaucoup transformé, d'ailleurs, par la suite, hein, et des mains même, d'ailleurs, de Mendeleev? Alors, il l'a pas mal popularisé, ça a disséminé assez rapidement. On est dans une période où il y a des communications entre sociétés savantes. C'est pas, il est reconnu hein, assez rapidement. Il est sous une forme qui est légèrement différente, mais pas tant que ça. Il est classé verticalement. Oui, voilà. Bon, l'esthétique va changer un peu. Après, faut voir que la forme du tableau qu'on a, carré, rectangulaire, dans les salles de classe, c'est pas forcément la seule forme qu'on peut lui donner. Mm-hmm. Le but, comme l'a dit Pierre Avenas, c'est d'avoir cette périodicité des propriétés et puis cette avancée. Donc, il y a deux périodicités. Donc, c'est les lignes et les colonnes dans un tableau rectangulaire. Mais on peut imaginer faire, et ça a été proposé, des formes sous forme de spirale. Oui. On retrouve qui finalement, reviennent un peu à la forme de la vie stellurique. Enfin, il y a plein d'autres manières de le mettre en forme, ce tableau. Mais l'idée, elle n'a pas changé depuis. L'organisation est restée la même. Est-ce que ça a changé la vie et le travail, surtout des chimistes, Pierre Avenas, justement, l'arrivée de ce tableau? Oui, enfin, ça ne remplace pas toute l'innovation qu'il faut développer dans les catalyses, dans les réactions de chimie organique extrêmement compliquées hein, qui vont se développer au-delà du tableau. Mais c'est un élément par exemple, si je viens de parler de catalyseur, essayer de comprendre comment un métal plus qu'un autre aura une activité chimique différente. Il y a aussi ce qu'on appelle les terres rares. Vous savez, on parle beaucoup des terres rares qui sont actuellement beaucoup dans des minerais en Chine, d'ailleurs. Le lithium, par exemple. Hein, non, le lithium. Ça fait partie des terres rares ou pas? Non, le lithium est un alcalin. Non, c'est le lanthane, le praséodyme, le néodyme, le cérium, tout un tas de noms assez mystérieux, le gadolinium, etc., et qui rentre beaucoup, on le dit souvent actuellement, dans les téléphones portables, dans les aimants permanents, etc. Et donc, ça vraiment, c'est quelque chose qu'on pouvait pas imaginer si on n'avait pas ce classement périodique bien défini. Ouais. François-Xavier Coudert, donc c'était quand même une nécessité et un changement aussi pour le travail des chimistes, l'apport et l'arrivée de ce tableau? Oui, alors à la fois comme un outil de pédagogie pour la compréhension et pour l'enseignement du comportement des systèmes. Et puis il va prendre une autre dimension quand on va découvrir finalement la nature des atomes et qu'on va comprendre avec la mécanique quantique pourquoi le tableau est organisé comme ça. Eh bien on va y revenir avec vous dans un instant et vous répondrez également aux messages des auditeurs sur franceinter.fr. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces gris et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux d'or. descendre dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dit les chaque jour? Pourquoi quand moi je plonge, lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Spectateur du désespoir. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Spectateur du désespoir. Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile? Veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha-cha, de francs. Compète des tapettes devant. Supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte. Pas faire la belle mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave. Je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croissent poil. C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Né sous la même étoile, c'était IAM. La tête au carré sur France Inter. Dans son essence, la doctrine atomique suppose que la matière est formée par l'agglomération de petites particules indivisibles appelées atomes. Actuellement, la plupart des savants sont partisans de l'hypothèse atomique. L'atome est considéré comme une unité, indivisible par des forces physiques et chimiques. Les atomes des corps simples sont les dernières limites de toute divisibilité. La formation des corps composés, à l'aide d'éléments, doit se produire par l'agrégation de plusieurs atomes différents en un tout entier, ou en un système, appelé actuellement particule ou molécule. Un atome d'un corps quelconque peut se combiner à un, deux, trois atomes d'un autre corps, ou en général, un, deux, trois atomes d'un élément peuvent se combiner à un, deux, trois atomes d'un autre élément. Dmitri Mendeleïev. Voilà, texte de 1868, extrait d'un ouvrage Principe de la chimie, un des rares d'ailleurs qu'il ait écrit, Mendeleïev, et extrait d'une émission de France Culture qui s'appelait Archimédia, c'était en 1982, pour parler justement du tableau périodique des éléments qui fête son 150e anniversaire avec mes invités, Pierre Avenas, ingénieur des mines, et François-Xavier Coudert, chercheur au CNRS. On peut d'ailleurs s'arrêter sur l'élément en chimie, François-Xavier Coudert, pour expliquer exactement voilà ce que c'est qu'un atome, avec ce qui le constitue, pour évidemment faire un petit peu de révision ensemble. Alors, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on dira, en reprenant le texte de Mendeleïev, mais on dira donc que les atomes se combinent pour former des molécules, et que c'est comme ça qu'est constituée l'intégralité de la matière ordinaire qu'on croise sur Terre aujourd'hui. Donc on les trouve partout, évidemment. Voilà, ça compose tout ce que nous voyons, de l'oxygène, les molécules en phase gazeuse, l'eau liquide, et puis les matériaux, le bois, la table, etc. Donc solide, liquide, gazeux, ok. Voilà, on a tout ça. Et donc un élément, finalement, c'est une catégorie d'atomes qui partagent le même nombre de protons. Donc quand je dis cet atome c'est du carbone, c'est parce que cet atome a 6 protons au sein de son noyau. Donc 6 protons dans le noyau, un certain nombre de neutrons, ça dépendra de l'isotope. Et puis autour, pour que l'atome soit neutre, il y aura 6 électrons. Et ça, C'est pour ça que finalement le nombre de protons donne les propriétés chimiques de l'élément. C'est parce que ces 6 électrons doivent s'organiser selon les lois de la mécanique quantique, et les lois de la mécanique quantique nous dictent effectivement donc comment est-ce que le carbone par exemple il va avoir tendance à former sur ces 6 électrons à vouloir en partager 4 pour former 4 liaisons avec des atomes voisins, et c'est pour ça que le carbone va généralement avoir ces propriétés là. Il se trouve que au sein, si je regarde le silicium qui est l'atome qui est juste sous le carbone dans le tableau, il va avoir tendance lui aussi. Alors lui a 14 électrons, mais il va avoir tendance à en partager que 4. Et donc c'est l'organisation des électrons autour du noyau qui donne les propriétés, qu'on va dire propriétés chimiques à chacun des éléments, et qui fait que le silicium se comporte souvent comme le carbone. Mais alors ça, Mendeleïev savait tout ça Mendeleïev ne le savait pas. Et voilà, c'est ça. Mendeleïev observait alors ce qu'il appelait des éléments ou des corps purs, et regardait leurs propriétés, mais macroscopiques, les propriétés de réaction. Oui. Tel élément, le fluor, le chlore, vont bien se combiner avec l'hydrogène. J'observe qu'ils forment dans un ratio de 1 pour 1 des molécules avec l'hydrogène. Et donc je me dis, bon, ils ont des propriétés chimiques similaires. Mais alors, son choix de classement, lui, il s'est basé sur quoi alors exactement? Et son choix de classement, il s'est basé sur donc mettre en colonne comme ça ces éléments de propriétés similaires. Et nous, on sait maintenant que si le tableau a cette forme-là, c'est parce que les électrons s'organisent en couches, que la première couche a 2 électrons, que la couche suivante en a 6, etc., etc. Et que du coup, ça correspond au nombre d'atomes qu'on a qui est croissant sur chaque ligne du tableau. On retrouve de plus en plus d'éléments possibles parce qu'il y a de plus en plus d'électrons et de façons de les organiser. Ouais, donc on va du plus léger au plus lourd Donc on va toujours du plus léger au plus lourd. Ouais. L'hydrogène avec un seul proton et un seul électron autour. Ouais. Et puis l'oganesson avec 118 protons, un certain nombre de neutrons et 118 électrons autour. C'est le plus lourd aujourd'hui, l'organesson justement. Organesson. Oui. Pierre Avenas. Oui, c'est le dernier qui a été découvert, mais comme je le disais tout à l'heure, il ne dure qu'une fraction de milliseconde. Ouais. Et je crois qu'on a trouvé que 3 atomes ou un nombre infime. Mais comment on a comment on a mis la main dessus? Ce sont des, en fait, on fait des gerbes d'explosion en projetant des cibles. Parfois, c'est des atomes de calcium, par exemple, sur des, sur des métaux déjà très lourds radioactifs, et on regarde ce qui sort de là. Et de temps en temps, il y a des agrégations qui se forme, et il se fait des ce qu'on appelle les atomes super lourds. Ouais. Ce qui est amusant de peut-être de remarquer, c'est que l'organesson est juste en dessous de la colonne des gaz qu'on appelle nobles aujourd'hui, enfin comme l'argon, le xénon, ouais, etc. C'est-à-dire la 18e colonne. Donc notre tableau est bien rectangulaire en bas. Hein, il se complète parfaitement. Esthétiquement, c'est parfait. Esthétiquement, c'est parfait. Ouais. Et voilà. Donc, ça fait partie des tout derniers découverts, justement. C'est super lourd. Hein. Oui, enfin, il vient d'être instauré en même temps que 3 autres. Il y a une organisation mondiale qui s'appelle IUPAC, l'organisation chimique, qui fixe ces noms. Donc, ce sont les derniers entrants. Tennessee, voilà. Oganesson, Nihonium, Moscovium, c'est bien ça. Cela voilà. C'est ça. Xavier Couder, vous les connaissez par cœur, évidemment. Oui. Alors non, pas par cœur. On utilise le tableau aussi parce qu'on ne peut pas connaître 118 éléments par cœur. Donc, c'est les 4 derniers. Effectivement, ils ont été découverts au début des années 2000. Et puis, le temps qu'on répète, qu'on analyse, que les chercheurs d'autres équipes se penchent sur ces travaux-là, qu'une commission internationale les valide. Voilà, on annonce, quand on en est bien sûr, on annonce la découverte de nouveaux éléments. Donc ceux-là sont lourds, effectivement, mais est-ce qu'on pourrait en découvrir de très légers encore aujourd'hui ou pas? C'est intéressant, oui. Mendeleïev y a cru, d'ailleurs. Oui. Car dans les prévisions de Mendeleïev, c'est assez étrange, il a essayé de prouver l'existence d'atomes plus léger que l'hydrogène. Ah oui. Ce qui montre d'ailleurs la difficulté qu'on pouvait avoir sur le plan théorique à cette époque. Alors il en appelait un l'éther et l'autre le coronium. Donc sans protons par exemple. C'est-à-dire qu'il savait pas qu'il y avait des protons. Hein. Donc ouais. C'était plus ou moins d'ailleurs une recherche qui vient de l'existence du fameux cinquième élément de l'Antiquité. On peut peut-être faire un retour à ça rapidement d'ailleurs pour remonter à une époque où on en savait encore moins qu'est l'Antiquité. Ouais. Donc on part au 5e siècle avec Empédocle, qui est un philosophe grec qui était né à Agrigente d'ailleurs en Sicile, et il a instauré la fameuse règle des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. et possiblement un cinquième qui pouvait être l'éther, etc. Alors, il y a une chose qui est vraiment impressionnante, c'est que si on prend le premier dictionnaire de chimie qui est dû à Pierre-Joseph Macaire, on prend sa deuxième édition qui est de 1778, et bien dans cette édition de 1778, les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, sont encore considérés comme des éléments. Et en 1789, c'est une date qu'on connaît pour d'autres raisons, Lavoisier a publié son traité élémentaire de chimie, et dans ce traité, il a instauré vraiment la notion d'élément chimique pour la première fois, et il a montré notamment, pour aller prendre juste cet exemple, que l'air et l'eau, loin d'être des éléments indissociables, parce que dans le dictionnaire de 78, Macaire disait, on ne peut pas décomposer l'air ni l'eau, quoi. C'était des éléments. Mmh. L'élément, ça veut simplement dire quelque chose qu'on ne peut plus décomposer. Et donc, Lavoisier a montré que c'était tout simplement l'oxygène, l'hydrogène et l'azote qui étaient en fait les trois constituants. Et bon, c'est magique, quoi. C'est un véritable pas de géant qui est franchi là en 10 ans. Et on peut dire qu'on passe de l'alchimie à la chimie à cette occasion-là. À une vitesse ultra sidérale. François-Xavier Coudert, justement, dans les découvertes qu'on pourrait faire, justement, de nouveaux éléments, est-ce qu'on peut imaginer des choses totalement contre-intuitives ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez contre-intuitif, des plus légers par exemple, donc c'est plus possible puisqu'on sait que on connaît tous les éléments jusqu'à 118 protons, donc le suivant il aura au moins 119 protons. Ouais. On a des modèles du comportement des noyaux, alors ça c'est vraiment de la physique plus que de la chimie, mais on a des modèles des comportements des noyaux qui nous font dire que il faut garder à peu près le même nombre de protons que de neutrons au sein du noyau si on veut qu'il soit stable. Donc ça veut dire 119 protons, il faudra une centaine de neutrons si on veut qu'il soit relativement stable. Par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, effectivement, prédire la stabilité en avance d'un nouvel élément, c'est quelque chose qu'on ne sait toujours pas faire aujourd'hui. Parce que la mécanique quantique des noyaux est assez complexe. On a plusieurs modèles, les physiciens ont plusieurs modèles, mais on ne sait pas exactement comment ça se comporte. Donc savoir aujourd'hui si on peut encore avoir combien de nouveaux éléments on pourra avoir encore qui aient une stabilité suffisante pour qu'on les observe, c'est peu connu. Un autre problème qui est encore ouvert, on ne sait pas si le nombre d'éléments est potentiellement infini ou pas. Parce que plus il y a d'électrons, plus ils sont loin du noyau. Plus ils sont loin du noyau, plus ils se déplacent vite. Mais ils ne peuvent pas déplacer la vitesse de la lumière. Donc là, il y a un petit paradoxe qui arrive vers l'élément 140, je crois, auquel il va falloir réfléchir. Bon, mais tout est ouvert encore. Mais tout est ouvert. Finalement, et ce tableau l'est en particulier. Allez, on poursuit la discussion dans un instant. Les messages arrivent pour vous sur franceinter.fr. You can hide. Butterfly, Léonie Pernet. La tête au carré sur France Inter. Voilà, suite de notre discussion, dernière partie autour du tableau périodique des éléments. Est-ce qu'il va y avoir d'ailleurs beaucoup de manifestations cette année, Pierre Avenas, pour le 150e anniversaire, puisque c'est l'année internationale décrétée par l'UNESCO? Oui, alors il vient d'y avoir déjà au début du mois une journée d'inauguration à l'UNESCO de Paris. Voilà. Alors il y a un hasard qui se produit aussi cette année, c'est que c'est en même temps le centenaire de l'UPAC dont j'ai parlé, l'organisation chimie pure et appliquée. Donc il y aura un grand colloque aussi en juillet qui finalement se connecte un peu. Mais il y a plein d'anniversaires, hein. Il y a Lavoisier aussi. Oui, il y a Lavoisier puisque 1789, c'est les années en neuf. Il y a Lavoisier. Bon, il y a cette chose amusante qui est l'invention du phosphore. Il y a 350e anniversaire. Il y a aussi, on peut le citer, le francium qui a été trouvé par Marguerite Perret, qui a été une collaboratrice de Marie Curie un temps, puis ensuite qui était responsable. Il y a plein de noms propres aussi qui se cachent dans le tableau périodique des éléments. C'est une vraie histoire de la science aussi. Oui, bien sûr. Ceux qui ont donné leur nom, franchement, c'est le Graal absolu, là, pour le coup. Voilà, ils ne sont pas si nombreux. Mendeleïev lui-même, par exemple. Oui. Mais c'est venu longtemps après sa mort. Mais c'est venu, bien sûr, posthume, oui. C'était une polémique. Normalement, on ne donne pas le nom de quelqu'un de vivant, sauf qu'on l'a fait pour Seaborg, Glenn Seaborg, qui est un grand, vraiment novateur dans le domaine de la physique nucléaire et la découverte de tous ces éléments. Donc, américain, c'était à l'époque de la guerre froide, plus ou moins, les Russes n'étaient pas contents. Ah, ça c'est chic, finalement, quand même, hein. Il a été comme ça. Vivant, mais maintenant, avoir un une anecdote, l'Oganesson dont on vient de parler, imaginez-vous que c'est le nom de monsieur Oganesson, qui est bel et bien vivant, puisqu'il nous a fait une conférence justement à cette journée l'UNESCO dont je parlais. Bon, est-ce qu'il est heureux d'avoir un élément à son nom, alors? Comment, pardon? Est-ce qu'il est heureux d'avoir un élément à son nom? Je suppose, il ne l'a pas... En tout cas, Mendeleïev, lui, c'est en 1955 que l'élément 101 a été baptisé Mendeleïvium. Mendeleïvium, fermium pour Enrico Fermi, Einsteinium. Einsteinium, exactement, c'est ça. Alors, Jean Courtois, justement, un petit mot, parce qu'il y a Lola qui nous envoie ce message sur franceinter.fr. On a appris que le diagramme de Jean Courtois n'a pas eu autant de succès que celui de Mendeleïev, parce qu'il était géologue, nous dit-elle, une science jeune et peu prestigieuse à l'époque, et par conséquent, les chimistes ne l'ont pas pris au sérieux, et sa publication, boum, est passée inaperçue. Mais cette auditrice a tout à fait raison, à mon avis. Cet ingénieur des mines a été méconnu. Il faut peut-être réparer cela. Mais c'est ce que vous faites, en tout cas. On l'a compris. François-Xavier Couder, il y a de la géopolitique aussi derrière les éléments. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que ça correspond aussi à une situation tout à fait contemporaine que nous vivons. Alors, il y a plusieurs niveaux de géopolitique dans le tableau. Il y a les découvertes d'éléments. Quelle équipe, quel pays arrive à découvrir le nihonium, premier élément découvert par le Japon, ça a beaucoup fait parler. Absolument. Grande fierté nationale, nommée comme ça, nihonium. Et par l'Asie. Et puis aussi pour les approvisionnements, parce que effectivement, on utilise beaucoup de technologies de batterie au lithium aujourd'hui. Oui. On utilise, quand on fait de l'éolien, des aimants permanents au néodyme et au dysprosium. Et c'est des métaux qui viennent de mines, qui sont extraits des mines, purifiés, séparés, mines qui sont pas réparties uniformément dans le monde. Donc certains pays ont un peu la main sur l'approvisionnement. C'est des ressources qui restent rares et finies. Et donc il faut se poser la question aujourd'hui, quand on fait de la chimie, de ce qu'on appelle la chimie durable, c'est-à-dire essayer de faire des matériaux ou des molécules avec des éléments qui soient pas dont l'approvisionnement soit pas menacé. Bien sûr. Donc vous disiez, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc il y a vraiment pour la découverte, pour l'approvisionnement, et c'est important. Donc aujourd'hui, par exemple, on va chercher plutôt à utiliser du zinc plutôt que du cadmium, ou du fer plutôt que du cobalt. On va vraiment essayer de travailler des ressources, parce qu'on sait que c'est des éléments dont l'approvisionnement est moins menacé. À terme. Donc c'est vraiment une histoire de l'humanité, Pierre Avenas, c'est comme ça aussi que vous présentez le travail que vous avez fait à la fois sur l'étymologie de ces éléments, mais ça raconte aussi beaucoup de ce qui se passe. Oui, alors on était reparti de l'Antiquité. Il y a une chose qui me frappe, c'est les métaux de l'Antiquité. Les anciens donc connaissaient sept métaux, et ils les associaient aux sept astres non fixes qu'ils connaissaient, c'est-à-dire Soleil, Lune et les cinq planètes qu'on connaissait, donc jusqu'à Saturne. Donc Saturne, c'était le plomb, par exemple, et ça reste dans le langage. Hein, encore aujourd'hui, le saturnisme, c'est l'intoxication au plomb. Ah, c'est vrai. Et ça vient de là. Ça vient de ça. Par exemple, le mercure, bon, là c'est évident, c'est à la fois le nom de la planète, le nom du dieu mercure, et le nom du métal. Métal liquide, d'ailleurs, qui a dû sacrément étonner les anciens. Hein, c'était, voilà. Et alors, c'est cette métaux, alors, donc, le huitième, quand a-t-on trouvé le huitième? Ben, c'est sidérant, c'est à la fin du Moyen-Âge, c'est le zinc qui arrive. Donc, on ne trouve pas un seul métal entre l'Antiquité et la fin du Moyen-Âge, zinc. Puis arrivent d'autres métaux. Et puis alors, il y a un savant allemand que j'aime beaucoup, qui est Klaproth, qui a fait énormément de découvertes en chimie. Et il a, avec humour, constaté que, bon, on trouvait quelques métaux, mais on ne trouvait toujours pas de nouvelles planètes. Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, vers la fin, on en était toujours à Saturne. Puis finalement, on trouve Uranus. Et alors il se précipite sur Uranus en disant, ah ben je vais reprendre la tradition antique et je vais donc nommer le dernier métal que je trouve, l'uranium. Donc en quelque sorte le 18e métal trouvé, il a donné le nom de la 8e planète. Je trouve que c'est assez joli. Allez, deux questions pour vous. Georges nous écrit, comment connaissait-il Mendeleïev la masse atomique des éléments justement pour les classer? Alors, on les pèse et il faut utiliser comme échelle de référence le plus léger. Donc, on utilise l'hydrogène comme échelle de référence et on exprime toutes les masses en fonction de l'hydrogène. Et après, on pèse les éléments, en particulier leurs composés. Ouais. Donc, effectivement, comment ça se pèse? Alors, un gaz avec des balances de précision. Hein. Ça, c'est vraiment la révolution technologique et qui va permettre ça. C'est des balances de précision et on pèse différents composés du même élément de manière à pouvoir être bien sûr de la valeur qu'on obtient. Ouais. Quel est votre élément préféré, s'il y en a un dans ce tableau, François? Moi, j'aime bien le strontium. Pourquoi? Ça vient de Strontéan, qui est un village écossais. C'est le seul élément nommé après un lieu ou une personne écossaise. Et puis, ça vous fait rêver. Voilà, il fait la couleur rouge des feux d'artifice. Ouais. Pierre Abnaz, vous pour vous? Pas loin du Loch Ness d'ailleurs, le village en question. Et le vôtre? Le mien, le gallium, je l'aime bien parce que il y a eu une sorte de polémique amusante. C'est Lecoq de Bois-Gobodran qui l'a trouvé et il a donné le nom gallium sans dire pourquoi. Alors tout le monde a dit, ah, il s'appelle Lecoq, il a mis son nom en avant, etc. Puis 2 ans après, il publie, il dit, non, c'est gallium. En l'honneur de mon pays, la France, entre parenthèses, Gallia, c'est-à-dire la Gaule. Bon. Et on fera tout ça en lisant la prodigieuse histoire du nom des éléments chez EDP Sciences. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce tableau périodique des éléments. Ça nous a rappelé plein de souvenirs d'école. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. La science grand format, en partenariat avec France 5. Le pouvoir des prêtresses égyptiennes ce soir à 20h50. Bonjour David Amiel. Bonjour Mathieu. Alors on en sait déjà beaucoup sur la vie des pharaons d'Égypte. Pourtant, des travaux archéologiques récents ont révélé l'existence d'un pouvoir de l'ombre qui aurait été tenu par des femmes. Oui, ces femmes, plus précisément les prêtresses d'Égypte, avaient une influence considérable. Elles étaient considérées comme les épouses du roi des dieux Amon. Et elles contrôlaient le temple sacré de Karnak, elles avaient une influence directe au sein de la famille royale, elles étaient indépendantes financièrement. Eh bien, on écoute un extrait pour faire justement connaissance avec ses prêtresses. Ici repose Babassa, l'un des successeurs de Néferhotep au poste d'intendant en chef. En étudiant les fresques de sa tombe, les archéologues ont fait une découverte fascinante. Ce n'est pas Babassa qui dirigeait Karnak. Sur ce bas-relief, il se tient derrière sa supérieure, qui fait une offrande aux dieux. Ces hiéroglyphes confirment que c'est elle qui détient le contrôle de Karnak et de ses richesses. Elle possède l'un des titres les plus importants du pays, celui de divine adoratrice d'Amon. Et c'est donc cette divine adoratrice qui organisait les cérémonies religieuses indispensables au bon fonctionnement du pays, David ? Oui, effectivement. Tout d'abord, elle devait procéder à des rituels de purification pour pouvoir entrer dans le temple. Puis elle offrait à Amon de quoi manger. et en échange, le dieu continuait de protéger l'Égypte et permettait à ses terres de rester fertiles. Mais l'une de ses prêtresses ne s'est pas contentée de ce statut et aspirait à plus de pouvoir. En effet, il s'agissait d'Hatshepsut. Après la mort de son époux, le pharaon Toutmosis II, elle s'est même proclamée reine pharaonne. Elle arborait les attributs masculins du pharaon en public, mais ce n'était pas le cas en privé. D'ailleurs, une tablette a révélé qu'elle avait même un serviteur qui satisfaisait tous ses désirs. Et pendant son règne, donc, elle organisait une grande fête religieuse où tous les excès étaient soi-disant permis. Oui, apparemment, c'était la fête de l'ivresse qui était ouverte à tous les Égyptiens, quel que soit leur milieu ou leur richesse. Et les convives s'enivraient, avaient des rapports charnels dans le but de communier avec les dieux. Cette fête était organisée en été, au moment de la crue du Nil, qui est une période vraiment essentielle de renouveau pour tous les Égyptiens. Parce que, comme la crue, la sexualité évoque la renaissance, la reproduction. Néfertari, qui était la grande épouse royale de Ramsès II, David, a également eu ce statut d'adoratrice d'Amon. Oui, elle connaissait très bien les enjeux géopolitiques. Elle a même joué un rôle primordial dans la conclusion d'un accord de paix avec les Hittites, qui étaient les plus grands ennemis de l'Égypte. Et des siècles plus tard, elle a même été consacrée comme une déesse. Ces Égyptiennes étaient indépendantes et disposaient donc d'une grande liberté sexuelle à l'époque. Oui, elles pouvaient effectivement prendre leur vie en main, être très indépendantes. Mais tout cela s'est malheureusement arrêté brusquement après la conquête par les Romains, qui ont réduit les femmes au rang de citoyennes de seconde zone, en quelque sorte. Et faisant ainsi de la mythique Cléopâtre, la dernière femme de pouvoir de l'Égypte antique. Voilà, le pouvoir des prêtresses égyptiennes, ce soir 20h50 sur France 5, c'est dans Science Grand Format. Merci David Amiel, à bientôt. Merci Mathieu.